Bon allez, let's go. 3, 2, 1. Random. Contre-culture hacker. Bibliothèque. Liberté numérique. Société de l'information. Casse-longe sur deux. De 19h à 20h. Sur Radio Campus. Sur Saucisse Pois Chiche FM. Saucisse Pois Chiche FM. Sur Radio Campus. 106,6 MHz. Saucisse Pois Chiche FM. Un dimanche sur deux. Bidouillage. Pense à ça. Ni filtrage, ni censure. Nous voulons le net, libre et ouvert. Actualité. De 19h à 20h, un dimanche sur deux. Random. Sur Radio Campus. Random. C'est pas une bonne idée. Si quelqu'un d'autre veut le faire, Voilà, bonsoir et bienvenue, vous êtes sur Radio Campus, 106.6 FM, la plus libre des radios. J'ai déjà entendu ça quelque part. Choupa pimento. Tout à fait. Donc ce soir c'est Random 37, la 37e. Et bah donc voilà, donc bonsoir DB. Bonsoir Martigan. Bonsoir, donc nous sommes deux et nous allons parler de, dans l'actualité du logiciel libre... On verra que Rayou. Ouais. C'est un lapsus. C'est un mix entre Raël et Yahoo. Entre Ragou aussi. Donc Raël vient de rejoindre la Fondation Linux. Pardon, excusez-moi. Donc ouais, Yahoo... Et bientôt Foxmelder aussi, voilà. Pareil. Yahoo vient de rejoindre la Fondation Linux, donc voilà, vous l'aurez compris, et pas Rayou ou Yahoo, je sais pas ce que j'ai dit. Voilà, on verra aussi la sortie d'OpenBSD 4.9. Dimanche prochain. Et devinez qui c'est qui va en parler. Je me demande. Surprise. Dans l'actualité du milieu hacker, on verra le CCC 2011 qui fait un appel au... Ouais, il fait plus qu'un appel, on va en parler vite fait. Encore que cette fois-ci, on a le wiki, donc on a accès à nos news, mais on n'a pas internet, donc c'est toujours super cool. Ouais. Moi j'ai vu qu'un truc, un article en allemand, t'as vu autre chose toi? Non, il y a le blog en anglais, events.ccc.de, il est in English, please. Yes. Ah bon, bah moi j'ai vu que l'article en allemand, c'est pour ça que j'ai flippé. Ah. D'accord, donc censure, filtrage internet et neutralité des réseaux, on parlera du G8 de l'internet, le IG8. Le IG8, le G8 pas hygiénique. Tu sors. Non, reste, sinon je suis tout seul. Voilà, sinon le PS et l'UMP proposent une remise en cause de la censure ou du filtrage internet en France, on verra ce que ça donne. La Cour européenne de justice contrecarre le projet de censure d'internet en Europe. Donc on verra, ça reste dans le même thème. Notre culture, c'est la vôtre, on parlera de l'Adopi. Tiens, pour le fun, on va reparler de l'Adopi. Voilà. Ça en a reparlé un peu, beaucoup, pas mal, à propos des moyens de sécurisation, avec le dernier délire de Michel Riguidel. Faudra qu'on fasse un jingle pour le Riguidel Show. Le Riguidel Show. Obligé? Ouais, non. Voilà, joyeux monde de l'infosec, bah y'a... Non, y'a rien. Moi ouais, si, y'a eu l'agence spatiale européenne qui s'est fait pirater, mais on s'en fout un peu. Ok, rien. N'ayez pas peur, faites-nous confiance. Les discours du passé, alors c'est quoi ça? En fait, c'est parce que bon, donc ça a pas mal parlé de la dernière sortie à propos de l'internet civilisé de la députée des Alpes-Maritimes Muriel Marlan Militello, qu'on peut appeler Minitello pour les intimes. Et également, il y a le pape Benoît XVI aussi qui a un peu parlé de nouvelles techno, paraît-il, la semaine dernière ou bien la semaine d'avant. Donc un petit peu les discours du passé sur les nouvelles technologies. D'accord. Et toujours dans N'ayez pas peur, faites-nous confiance, on parlera aussi de l'iPhone avec Apple. On va un petit peu, on va éclaircir une news qui est passée dans le mainstream. Hein. Moi je l'ai croisée sur BFM TV, donc. Plein de gens en ont parlé. Des fois ils parlent de nous quand on est passé à Wikileaks sur BFM TV, donc c'est mainstream, mais. C'est pas des copains non plus, quoi. Mais bon. Voilà, suite de. Sur Apple, il y avait un autre truc aussi que j'ai pas mis dans le wiki, mais il y a Greenpeace qui a épinglé Apple sur ses data centers et son côté pas écolo, tout ça. Enfin, bref. Ok, après, bah, pour finir l'agenda, tout ça entreposé de petites coupures musicales. Avec la super chanson d'OpenBSD 4.9. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc, bon, on va y aller. Ouais, donc, Yahoo, hein, rejoint la Fondation Linux. Yahoo! Ah, ça sent l'arnaque quand même. Moi, je dis ça, je dirais. Hein. Ça sent l'arnaque? Bon, alors, la Fondation Linux, une fondation à but non lucratif, si on le savait. Donc un nouveau poids lourd qui l'a rejoint, parce qu'il y en a déjà, il y en a déjà pas mal. Et Yahoo l'a rejoint malgré les liens de plus en plus étroits avec Microsoft. Parce qu'on, Bah, il y a une fusion Yahoo Microsoft un petit peu sur le gris depuis quelques temps quand même. Donc bon. Ouais. Excusez-moi. Mais... Donc on se pose des questions. Ouais, la fondation avait précédemment recruté aussi Broadcom et Panasonic. Ah, tu veux dire Broadcom, tu veux dire le truc qui met les drivers pas libres et tout ça? Ouais. Ah ouais, c'est cool, la Fondation Linux. Ouais, bah oui. Ouais, non, mais... Voilà, sinon, bah, y avait aussi Adobe, Dell, Google, Novell, IBM, Intel et Oracle dans la Fondation Linux. Ah, que des gens super funky qui font vraiment, qui soutiennent vraiment très ardemment le logiciel libre. Non, honnêtement, eux, c'est plus le mouvement open source. Pour oui, le voilà. Coup, là, si oui, bah oui. On peut bien différencier de toute façon logiciel libre open source, là on est clairement dans l'open source. Il n'y a pas photo. Bah oui, clairement. Mais on est même dans le fermé aussi un peu. Ouais, ouais, non, mais je veux dire, leur implication côté Linux, c'est pas du tout le logiciel libre, c'est open source. Enfin, oui, c'est pour récupérer l'usufruit des personnes qui développent du logiciel libre communautaire ou de l'open source. On va dire corporate, entreprise, machin, et voilà. Puis voilà, et puis faire style, ouais, on est dans le caritatif et dans l'humanitaire et dans le Linux et dans le machin, alors qu'en fait, bah voilà quoi. Donc ils sont membres Silver, ça veut dire quoi ça? Bah, ça veut dire qu'ils vont contribuer entre 5000 et 20000 dollars par an. Vous avez une grosse fourchette entre 5000 et 20000, ça doit pas être grand chose pour eux. Et putain, attends, ça veut dire, ils pourraient, en fait, c'est à peu près ce dont on a besoin pour les hauts lieux, enfin pour le local host. Ouais, on n'est pas la Fondation Linux. Ah putain. Bon, à noter, à rajouter sur la liste des gens à qui on pourrait taper du fric pour monter le hackerspace. Yahoo. Voilà. Bah, c'est à peu près tout ce que j'avais en dire. T'as des trucs à rajouter là-dessus, toi? Non. Voilà, non. Tout est dit. Sortie d'OpenBSD 4.9, dimanche prochain. Bah ouais, écoutez. Qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de bon? Plein de trucs. Non, il y a plein de trucs bien. Il y a un nouveau système de démarrage. Il y a. Système D, non? Non. Non, mais en fait, on quitte les scripts rc.local, machin, et maintenant on a un vrai script un peu à la rc.d, enfin qui s'appelle rc.d aussi. Donc où chaque démon a un script de démarrage avec un start-stop, etc. Bon, c'est une nouveauté qui me plaît pas super beaucoup, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un nouveau OpenSSH, il y a plein de trucs, mais je les ai plus sous les yeux forcément. Voilà, hein, les. Non, mais je sais plus trop ce qu'il y a dedans. Il y a plein de nouveaux trucs rigolos. Il y a OpenSMTPD qui continue à avancer, un nouveau OpenSSH, le dernier serveur X aussi, qui a été intégré dans Xenocara. J'ai vu qu'il y avait LibreOffice aussi, j'étais surpris, tu vois. Oui, bah oui, non, mais LibreOffice a été intégré quasiment dès le départ. Il y avait les release candidates avaient été intégrés dans l'arbre des ports. Et OpenOffice a été jarclé du coup. Bah là, il y a les deux en parallèle, hein, apparemment. Ouais, bah, voilà, c'est ça. Mais OpenOffice 3.3.0RC9 et LibreOffice 3.3.0.4. Ouais, bah voilà. Et en fait, ils sont. Je crois qu'OpenOffice a été jarclé après la release, en fait. Sinon, pour les bureaux, ouais, j'ai les petites versions, la numéro de version. Il y a GNOME 2.32, KDE 3.5.10, et XFCE 4.8. Ouais, les derniers. Sont les derniers. Enfin, les derniers GNOME, non, puisqu'il y a eu GNOME 3. Bah, KDE non plus, 3.5.10, c'est pas vraiment le dernier. Ouais, il y a eu KDE 4, il est stable? Bah, un petit peu, ouais, il est à 4.6 et quelques là. 4.6. Ah ouais? Ouais, il est dit stable depuis 4.0. Il était pas très complet, la 4.0. Ouais, bah, j'ai un peu honte. Mais. Ah, mais bon, en même temps, KDE. C'est bon, mangez-en. Ouais, mais bon. Non, puis on est au mois de mai, il doit y avoir une Ubuntu qui va sortir aussi. Alors là, je sais pas. Si, si, il doit y avoir une Ubuntu qui va sortir, mais je pense qu'ils en parleront dans les codes GNU, l'émission préférée des casse-cou. Ouais. Mais non, c'est des numéros genre 10.04, 10.010, un truc comme ça, non? Non, 10.09, donc c'est septembre et avril. C'est pas au mois de mai. Non, je crois que c'était au mois de mai et au mois d'octobre. Enfin, au mois de mai et au mois de novembre, comme OpenBSD, il me semblait. Il me semblait que c'était à peu près pareil. Enfin bref, donc voilà, donc OpenBSD 4.9. On va vous faire écouter la chanson vite fait, je pense. Et puis, voilà, donc la chanson d'OpenBSD 4.9, elle est. Vous entendrez un petit peu les paroles, elles sont intéressantes. C'est sur la thématique. C'est une reprise en fait d'une célèbre chanson de Bob Dylan qui s'appelle Blowing in the Wind. Donc, voilà, ça s'appelle, je sais plus. Ah merde, attends, le titre... BSD 42. Voilà, je ne saurais mieux faire. 4.2. On l'annonce ? Ouais, c'est parti, allez. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Random, numéro 37. Et tout va bien. How many streams must a fish swim down before you can call him a man? And how many colds must a panda lock down before silicon turns to sand? Yes, and how many times must the lawyers fly before they are forever banned? The answer, my friend, BSD 4.2. The answer, BSD 4.2. How many years can a planet exist before it is paid by the bee? And how many years can some source code exist before it's allowed to be free? And how many times can a fist turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, BSD 4.2. The answer, BSD 4.2. How many times must we fight for the right to share what is already ours? And how many times must we hitch while we hike to end up not getting far? And how many fish must we shove in our ear before we can hear every star? The answer, my friend, BSD 4.2. The answer, BSD 4.2. And now we can travel the galaxy with ships that are silicon made. And now with a towel and a laptop in hand, our future is made in the shade. And what did we use to build on and on inside everything that we use? The answer, my friend, BSD 4.2. The answer, BSD 4.2. Maintenant, votre journal du soir. On démarre donc avec cette occupation d'un ancien magasin. Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'un squat. Et un espace culturel alternatif. On a déjà commencé. Véritable laboratoire d'expérimentation. D'informatique libre. Parfait. Constitué d'accords venus d'horizons différents. Un ancien centre commercial en plein cœur de Lille. On a un bon informateur. En apparence inoccupé. Parfait. Plein centre de Lille. Parfait. À deux pas seulement de la Grand Place. C'est pas possible. Car ici, ces militants ont un vrai projet. Vrai projet. Donc c'est une autre philosophie, une autre façon de travailler. C'est Random. Radio Campus Lille. 106,6 FM. Actualité. Hacker. Actualité. Hacker. Actualité. Hacker. Voilà, donc de retour dans les studios de Radio Campus 106,6 FM. Et Actualité Hacker. Ouais, parce que faut bien qu'on parle un petit peu d'actualité à cœur dans une émission à cœur. On va parler un petit peu de local d'abord. Alors le local à Lille dans l'actualité à cœur, ben c'est surtout le local host. Bon, ben donc voilà, on y est. Samedi prochain, donc on sera le 30 avril, ça fera un an. On sera donc un an après l'ouverture du squat alternatif Léo Lieu. Je rappelle que c'est le squat dans lequel s'est créé l'initiative du localhost, mais pas seulement. Il y avait également la coroutine, il y avait également d'autres velléités, d'autres sources d'inspiration qui ont émergé de cette initiative là. Bon, pour le localhost, on continue. Donc on va aller boire un verre tous ensemble. C'est mardi prochain, mardi soir, comme d'habitude. Ce coup-ci, il n'y a pas vraiment de thème, donc du coup, on fait ça plutôt dans un bar. Et si vous voulez venir adhérer au localhost, si vous voulez venir un peu savoir comment ça marche, où est-ce qu'on en est de l'association, savoir qui fait quoi, se répartir les tâches et essayer d'avancer sur les différents aspects de l'association, vous pouvez venir mardi soir, à peu près 19h, 19h30, 19h45, 20h. Ouais. Dans ce genre-là, au Monde Moderne, qui se trouve à Lille. À Lille, c'est rue des Trois Couronnes. C'est un bar qui est bien, c'est juste à côté de la Grand Place, entre la Grand Place et la Vieille Bourse, en fait, pour être exact. Pour commémorer l'anniversaire de l'ouverture du squat alternatif Léo Lieu, on organise un open barbecue. Dans les locaux de nos amis de la Coroutine, qu'on salue au passage. Donc les locaux de la Coroutine sont situés 4 rue Lamartine, du côté de l'île Moulin. Enfin, c'est un peu la frontière entre l'île Moulin, l'île Moulin, l'île Oisem et le quartier de l'île Centre. Donc c'est 3 quartiers de Lille, hein, pour les personnes qui écoutent et qui sont pas lillois ou lilloises. Et c'est là-bas qu'on espère pouvoir monter le localhost, comme on disait la fois dernière. Il nous faut 15 000 euros pour pouvoir financer la première année de fonctionnement. Donc on travaille, essayer de trouver des sponsors et des subventions et des sources de financement diverses et variées. Donc voilà, vous pouvez venir nous rencontrer mardi soir au Monde Moderne ou samedi prochain, donc samedi 30, à l'Open Barbecue. Donc l'Open Barbecue, il y aura, on espère avoir un barbecue, faut qu'on en trouve un, mais bon, ça va pas être compliqué à trouver. Ça devrait aller trouver un barbecue quand même. Et puis vous venez avec un petit peu de quoi manger et puis beaucoup de quoi boire. Et puis on passera un après-midi un peu peinard si le soleil est avec nous. Inch'Allah. Et puis on continue sur le localhost. Au niveau des news aussi du milieu hacker, on avait parlé, je rappelle un petit peu les dates de ce qui va se passer, je les rappellerai dans l'agenda, mais du vendredi 27 au dimanche 29 mai 2011, il y aura le Toulouse Hackerspace Factory 2011, donc toutes les infos sur thsf.etalab.org. Le meeting 2600 Lille, vendredi 6 mai 2011, ce sera les meetings 2600 un peu partout dans le monde, et il y en a un à Lille. Rendez-vous comme chaque mois, c'est 19h30, Grand Place, devant l'entrée du Furet du Nord. Toutes les infos sur www.2600lille.org. On va en parler après, mais on aura également le Hack in Paris, donc du mardi 14 au vendredi 17 juin, le Hack in Paris à Disneyland Paris, et le même événement, mais en version nuit du Hack, donc la nuit du Hack, le samedi 18 et dimanche 19 juin, la nuit du Hack, toujours à Disneyland Paris. Et puis, bah, un truc dont on n'avait pas parlé la fois dernière, mais bah, qui va se passer également, c'est officiel, le Chaos Communication Camp. Donc gros rendez-vous européen qui a lieu une fois tous les 4 ans, en décalage de 2 ans avec le truc de Hactic qui change de nom à chaque fois en Hollande. Bon, et bien cette année, le Chaos Communication Camp aura bien lieu également en 2011 à Finowurt, près de Berlin en Allemagne. Ce sera du mercredi 10 au dimanche 14 août 2011. On peut préparer nos dates de congé et la tente et tout le matériel de camping et tout le matériel de bidouille. Pour ce jour-là, parce que ça sera vraiment important. Et puis voilà un petit peu pour les news du milieu hacker actuel, sachant bon ça fait un petit peu pauvre machin, mais on est un petit peu pauvre en ce moment à Random en termes d'organisation et de personnel et tout ça. Donc bah, je rappelle que Random c'est votre émission aussi, et que bah, si vous voulez participer, vous êtes plus que bienvenue. Et participer à Random, ça veut dire bah, nous envoyer des news quand il se passe des trucs et que vous êtes au courant de news, etc. C'est nous proposer des sujets, et puis c'est éventuellement également venir nous aider lors des réunions de préparation, et puis bah ça peut aller jusqu'à une implication, venir nous aider à présenter l'émission de dimanche soir. Faut vraiment pas hésiter. On est gentil, on mord pas. Enfin moi non, mais toi. Ouais, mais j'ai pas la rage. Ah. C'est pas grave. Donc, je mords, mais j'ai pas la rage. Ça va. D'accord. Il y en a comme ça en plus, être mordu. Alors... Donc, bref, hein, voilà. Donc, Random, une émission qu'elle est bien, une émission qu'elle est à vous. Censure, filtrage internet. Et neutralité des réseaux. Censure. Filtrage d'internet. Et neutralité des réseaux. Alors, bah là, c'est plutôt chargé, justement. Donc, Monsieur Sarkozy invite le gratin du web à son G8 de l'Internet. Président. Alors, c'est ce qu'on appelle aussi le Forum international du web, ou le IG8, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, ça se déroulera le 25 et le 24 mai prochain à Paris, au Jardin de la Tuilerie. Ce sera quelques jours avant le G8 à Deauville. Et l'objectif annoncé officiel, voir comment le numérique et les télécoms peuvent accélérer la croissance des pays développés. Et qui va faire ça? Ah bah, les invités, je vais citer les plus gros parce qu'il y en a entre 800 et 1000 qui ont été invités. Alors bah, y a Google, Facebook, Wikipédia, Amazon, Free et Mythique. Mythique, il y a aussi France Télécom, Vente Privée, y a plein de monde. T'es surpris de voir Mythique et dedans? Bah en fait c'est des gros, mais c'est des gros français. Ouais. Tu vois, voilà. Oui, ouais. Voilà, c'est ça. C'est juste que bon, c'est des gros français, puis accessoirement des gens très versés dans le spam et dans les pubs un peu chelous, tout ça, contenu sexiste, tout ça, bon bah c'est Mythique quoi. Yes. Et donc ouais, bah, le G8, pas hygiénique. De quoi, enfin c'est un truc qui avait été voulu parce que donc faut se rappeler que le G8 c'est quoi? C'est le conseil supérieur des grandes instances mondiales, donc des 8 pays les plus riches de la planète qui décident comment ils se partagent le gâteau. Et bah là en fait c'est une nouveauté qui avait été voulue par l'actuel président, parce que le G8 a une présidence tournante, donc chaque année c'est un pays différent, et cette année c'est la France, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy il est président de la France mais il est également président du G8, et donc il a voulu et il a insisté lourdement pour qu'il y ait un G8 de l'internet. Qu'il a calé juste avant le G8 français à Deauville, tu vois, quand même le G8 au casino de Deauville et le G8 à Paris sur l'internet, c'est génial. Sachant que justement en parlant du G8, du vrai G8 à Deauville, qui aura lieu le 26 et 27 mai, la question de l'internet sera pour la première fois abordée, justement. Et reste à savoir si le IG8 en fait fera quelque chose ou influencera ou pas quoi. Bah, en fait, ce dont j'ai l'impression, c'est que le programme du J8 de l'internet, c'est surtout Adopi, Lopsi, censure, filtrage, casser la neutralité des réseaux, casser les libertés de circulation de l'information, etc. Et puis que le J8 tout court, c'est un événement économique. Ça sera plutôt le pendant, on va dire, politique, casse des libertés individuelles, pendant le G8 de l'Internet, le IG8, et puis pendant le vrai G8, entre guillemets, les questions économiques. Et une fois qu'on a pacifié Internet et qu'on a civilisé Internet, comment on peut faire du fric avec ? Tout à fait. Bah, c'est clairement ça, je veux dire, la phrase annoncée là, que j'ai lue tout à l'heure, je vais la relire pour le plaisir. Là. C'était où ? Je sais même plus. Voir comment le numérique et les télécoms peuvent accélérer la croissance des pays développés. C'est-à-dire comment bien dresser les utilisateurs pour pouvoir toujours se faire plus de fric sur leur dos. Ben, et puis surtout que ça concerne que les pays, on note que ça concerne également que les pays développés. Enfin, c'est-à-dire, en fait, bon, au sens capitaliste du terme, les pays civilisés. Au sens de l'internet civilisé. Ouais. Donc c'est rigolo, en fait, on fait des petites discussions dans notre coin, mais on n'inclut pas les pays qui pourtant ont de l'internet ou aimeraient bien en avoir ou qui se développent pour essayer de faire quelque chose de bien au niveau réseau, etc. Je prends des pays comme le Brésil, je prends des pays comme l'Inde, je prends des pays comme le Chili, l'Islande, qui font des lois sur la neutralité des réseaux et qui essayent de se débrouiller, ou l'Estonie, un certain nombre de pays baltes aussi qui se débrouillent pour essayer d'avoir un réseau bien cool. Ces pays-là, on s'en fout. De toute façon, c'est le G8, c'est Google, c'est Mythic, c'est Facebook, c'est Yahoo, c'est... Yahoo. Rayou, t'avais dit. Rayou. C'est Rayou. Rayou.com. Attention aux extraterrestres qui viennent coloniser Internet, mes amis. Attention. Voilà. Et puis une petite news, en fait, voilà, pour le G8, hein, donc si on rappelle le IG8, donc le G8 pas hygiénique, putain, j'insiste avec celle-là, mais je la trouve vraiment bien, ce sera donc mardi 24 et mercredi 25 mai, ça sera à Paris, donc tu m'as dit au Jardin des Tuileries, tout à fait. Face du Louvre et tout ça, à voir s'il y a des maniches qui s'organisent, parce que bon, traditionnellement, le G8, c'est un événement qui est contesté. Et d'ailleurs, en fait, le G8 de Deauville, ça veut dire que Deauville, enfin, donc le G8 de Deauville, donc le IG8, c'est le 24 et le 25, et le G8 à Deauville, c'est le 26 et le 27. Donc c'est vraiment les 4 jours. Et donc Deauville va être ville interdite, ville morte, ville sécurisée, ville pacifiée et civilisée. Et donc, en fait, les manifs s'organisent a priori au Havre. J'ai vu un truc anti-G8. Je me souviens plus de l'URL du site web, mais il y a des manifs qui s'organisent. Il y a un camp qui s'organise, un camp contestataire qui s'organise au Havre. Je sais pas trop s'il y a des trucs. S'il y a des trucs qui s'organisent au niveau internet, machin, si on va réussir à poser la question de l'internet dans le champ de la lutte sociale et contestataire. Si jamais il y a des gens intéressés pour agir un petit peu localement sur l'île et faire un peu d'agitation autour de ce G8 de l'internet, voire du G8 tout court sur l'île, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Il reste un mois pour préparer ça, il y a peut-être moyen de faire quelque chose de bien à Lille à ce sujet pour montrer à ces gens que il y a un réseau à peu près neutre et sur lequel on peut à peu près dire ce qu'on veut. On aimerait bien que ça reste comme ça. Et voilà. Pour passer à la news suivante. Ouais, ou on peut faire une petite pause musicale là. Il est 19h30. Bien, juste on peut finir. Donc là, et après on finissons. En marge, en fait, de tous ces questionnements sur Adopi, la censure gouvernementale d'Internet avec la loi Lopsi, qui n'a pas été censurée par le Conseil constitutionnel, tout ça qui est porté par un beau parti, UMP, machin, un parti super funky qui fait la chasse aux Roms. Qui met des gens avec des discours racistes, Zemmour, machin, tu vois, tout ça, voilà. Bon, et le PS est une renégate de l'UMP, Enfin, il y a une députée PS et une députée renégate de l'UMP qui propose une remise en cause de la censure du filtrage. Excusez-moi, ça, ma langue a fourché. Donc, du filtrage de l'internet en France. Globalement, c'est un rapport en PDF avec 9 propositions, je crois. Tout à fait, 9. Alors, t'avais lu un petit peu le truc sur les propositions. Ouais, donc pour les députés, c'est Laure de la Rotière pour renégat de l'UMP, comme tu la nommes, et Corinne RL pour le PS. Donc, elles ont fait un rapport où il y a 9 propositions. Et c'est un rapport qui va servir en fait de socle pour la proposition d'une loi qui sera proposée. J'ai plus les dates, je sais même pas s'il y avait des dates. Bref. Non, il n'y avait pas de date, en fait c'est chiant parce que le calendrier parlementaire, on va arriver bientôt sur le calendrier parlementaire de 2012, et en 2012 c'est les élections présidentielles, donc en gros c'est un rapport parlementaire qui a peu de chances d'être appliqué, déjà peu de chances d'être applicable parce qu'il remet en cause la politique gouvernementale, et qui en plus dans le calendrier parlementaire c'est chaud de le caser. Donc c'est un petit coup pour rien, mais bon. Voilà, on va en parler quand même. Ouais, vas-y, je t'en prie. Donc ça a nécessité 6 mois de travail apparemment, plus d'une centaine d'auditions, donc apparemment bon, il y avait une vraie volonté de faire ça bien. Donc il y a 9 propositions. Donc la première, définir le principe de neutralité, parce qu'elle part du principe en fait que actuellement le principe de neutralité n'est pas vraiment bien défini dans les lois, donc on peut mettre ce qu'on veut et n'importe quoi, donc pour partir d'une bonne base, définir ce principe-là, plutôt pas mal. Et faire de la neutralité en fait un objectif politique, donc l'inscrire au cœur de la politique gouvernementale. Et pour ça, il propose des petites choses, genre augmenter les pouvoirs de l'ARCEP, notamment, et avoir un encadrement strict des obligations de blocage. Voilà. Ça c'est un point important. Enfin, le encadrement strict des obligations de blocage, ça veut dire que l'internet, on veut un internet neutre, mais il y a des limites, on accepte l'idée du blocage, par contre il faut qu'il soit encadré. Voilà, oui, c'est carrément ça. C'est, ça va à l'encontre un peu de la LOPSI. Ouais, va à l'encontre de la LOPSI dans le sens où on va passer par un juge pour interdire un site web. Ça n'interdit pas le principe même du blocage. Non, faut pas rêver non plus. Voilà, c'est ça. C'est là où je voulais en venir, c'est que c'est l'UMP et le PS, quoi. C'est pas non plus... voilà. Tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui ont... J'ai lu pas mal de trucs qui disaient « Ouais, c'est cool, regardez l'UMP, ils se remettent en cause et tout. » Mais non, tu regardes un petit peu le fond, non, l'UMP se remet pas en cause, pas du tout. Et ils arrondissent les angles, c'est tout. Et le PS se mouille pas beaucoup. Voilà. Non, donc, ça c'est la proposition numéro 2. La proposition numéro 3, ça, c'est très lié, hein. S'interroger sur la justification des mesures de blocage légal. Donc quand même réfléchir si ce qui a été mis, parce que là ça en parle quand même de ce qui a été mis, hein, ça parle de la LOPSI 2, clairement. Ce qui a été mis en place et ce qui sera ou ce qui voudrait être mis en place, voir en fait si réfléchir à est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est utile, etc. Alors j'ai envie de dire c'est un peu bizarre comme truc parce que c'est pas ce qui devrait être fait en amont, mais bon. Là on est dans une proposition de loi aussi. On est dans un stade de réflexion assez précoce, quoi. Voilà, donc voilà, proposition numéro 4, établir une procédure unique faisant intervenir le juge. Donc voilà, donc ça va carrément à l'encontre de l'article 4 de la LOPSI qui a été validé par le Conseil constitutionnel il y a peu. Ça confierait en fait le pouvoir du filtrage à une autorité judiciaire et non plus administrative, comme c'est le cas actuellement. Donc c'est plus une réforme de la LOPSI qu'une remise en cause de la LOPSI. D'accord. Bah, non, t'as raison. Moi, je vois ça avec mes petits yeux de jeune gars qui s'intéresse à la politique depuis hier. Donc, La politique de comptoir au comptoir de Radio Campus, voyez-vous. Voilà. Donc, position numéro 5, réserver l'appellation Internet aux seules offres respectant la neutralité. Donc, on appellera Orange, ils sont dans la merde. Ah, puis tous les opérateurs mobiles sont bien dans la merde. Ouais, c'est clair. C'est cool. Ok, donc ouais, redéfinir un peu Internet. Bon. Mettre en place, pour la 6, mettre en place un observatoire de la qualité d'Internet. Donc, il y a déjà Fernog, non? Excusez-moi. C'est vrai. Je me demande, hein, s'il n'y a pas déjà Fernog ou d'autres trucs comme ça. qui existe, mais enfin bon. Proposition numéro 7, charger l'ARCEP de garantir l'accès à Internet de qualité suffisante. Ouais. Pas trop. Bah c'est... Ouais. Bon, voilà quoi. Voilà, ouais. Proposition numéro 8, documenter les enjeux économiques liés au réseau Internet. Ah bah tiens, c'est l'UMP et le PS, hein, si on parle pas d'économie. Voilà. Et proposition numéro 9, évaluer de manière approfondie la mise en œuvre d'une terminaison d'appel data niveau européen. Alors j'ai pas bien compris là. Terminaison d'appel data, ouais. Bah pff, voilà, c'est pour la téléphonie mobile et tout ça. Ouais. D'accord. J'en sais rien en fait. Ouais. Le bout de la 9 là, je la. Ouais. Bide de moi dessus. Enfin, il y a un PDF je crois que c'est 40 pages à peu près, je sais plus, qui a été abondamment commandé, enfin commenté, bien entendu, sur internet. Mais bon, j'ai trouvé les lectures et les analyses assez molles, comme si c'était une avancée, qu'il y a des gens de l'UMP qui se rendent compte que la LOPSI c'est n'importe quoi. Bon, voilà quoi, c'est quand même des gens qui font partie d'une majorité présidentielle qui casse la culture, qui met dans des camps des êtres humains juste parce qu'ils n'ont pas des papiers français, tout ça, qui applique des politiques racistes et xénophobes. Bref, voilà quoi, c'est voilà, moi je me sens pas super super cool avec l'UMP quoi. Enfin bref, donc voilà. C'est une nouvelle ça. Ouais, c'est... Ah, je fais le scoop. Ah, le scoop. Je suis pas un fan de l'UMP. Hein. Voilà. Ok, petite pause musicale. Ouais, bah juste avant, la Cour européenne de justice, de toute façon, a contrecarré un petit peu les projets de censure d'Internet en Europe. Il y a un arrêt, en fait, dans une affaire belge. Dans une affaire belge qui opposait... bah parce qu'en fait, en Belgique, il y a eu des frappes préventives des majors qui demandaient l'interdiction d'un certain nombre de sites web ou d'analyse de protocole au niveau des fournisseurs d'accès pour censurer un certain nombre de sites ou de procédés techniques permettant de télécharger du contenu sous licence et sous copyright. Le fournisseur d'accès a été débouté, donc voilà, au niveau européen. Donc pas au niveau national, et ça remet en cause un petit peu l'applicabilité de tous ces projets de censure et de contrôle de l'information au niveau de l'Union européenne. Donc bon, on va pas s'en réjouir non plus, mais ça prouve un peu qu'il y a de l'espoir pour que les gens comprennent un petit peu les enjeux liés à la société de l'information, à la liberté de circulation de l'information et à la protection absolue de la sphère privée, qui est un peu le cœur du combat ici à Random. Donc voilà, petite pause musicale. C'est parti. Je te laisse le présenter. Ah oui, ouais, non, moi j'allais la claquer comme ça et la présenter après. Ouais, vas-y, claque. Non, mais c'est Carla Cilia. Hein, Carla Cilia, ça c'est le titre. Et c'est Dead Cabal, j'ai déjà passé plusieurs trucs de lui, c'est un copain moi. C'est pas vraiment un copain, lui me connaît pas, mais moi je l'aime bien. Et voilà, alors c'est du second degré, ou peut-être pas. Ou peut-être pas. À vous de voir. À tout de suite. Vous deviez respecter mes ordres à la lettre. Je sais, mais j'ai envie de prendre les commandes. Nous voulions assurer votre protection. Ne sois pas ridicule. Mon ordinateur. Mes ordres à la lettre, mes ordres à la lettre, mes ordres à la lettre. Et j'ai envie de prendre les commandes. Contre-culture, hacker, bidouillage, liberté numérique et société de l'information, c'est Random, l'émission radiophonique du groupe Dégénération Lille. Regarde par toi-même. Quoi, tout de suite? Oui, tout de suite. Cécilia, première dame de France, j'ai rêvé de toi, un rêve à la fois doux et rance. Carla Cilia, Cécilia, première dame de France, j'ai rêvé de toi, un rêve à la fois doux et rance. Par une froide soirée d'hiver, mes collègues t'ont kidnappé, bâillonné au fond d'une fourgonnette, ils t'ont abandonné. Ferme ta gueule, grosse tambave, ils ne comprennent rien à ce qu'ils disent, déjà tu en baves. En quelques jours à peine pour te faire comprendre, tu parles comme eux. J'ai faim, me laisse pas en galère, mon vieux. Tu es méconnaissable, mais c'est bien toi, Carla Cilia. Au fond de toi, j'ai mis mademoiselle la honte, mais tu ne l'écoutes pas, Carla Cilia. Au bout de 2 semaines, on te laisse sortir, tu découvres ta nouvelle demeure. T'es dans une tour de béton insalubre et grise. Tu voudrais qu'on te pose fonce dans le vide pour qu'à l'instant tu meurs. Mais tu ne mourras pas, tu vas survivre comme nous autres. Un ange, démon, gardien, surveille tes déplacements. Tu n'as pas le droit à la faute. Le 93, c'est tellement grand. Même si tu le pouvais, tu ne prendrais pas la poudre des tempêtes. Alors on te file un petit job dans un mini supermarket. Et tu côtoies chaque jour ta misérable nouvelle vie. Les miens, nous qui tenons tellement de fils à retordre à ton mari. Chaque jour, tu croises la petite misère et le désarroi. Mais toi, ça ne te touche pas, tu restes Carla Cilia. Tu n'es pas comme nous, tu es insensible à ce qui est beau de par chez nous. Tu méprises ce que tu croises, le regard est pour toi comme une ruée de coups. Très vite, tu comprends que ta paye de caissière ne suffit plus. Depuis qu'on t'a laissé à charge, trois bambins sans parents, ni papier, ni statut. Alors tu fais la queue à la cave 93. Tu te bats, tu fais ce qu'il faut, tu remplis les formulaires. Il t'aura fallu 2 heures pour comprendre qu'il faut prendre un numéro pour avoir le droit d'être reçu comme de la demeure. Après 4 heures dans le bâtiment, tu es une femme au-delà de la crise de nerfs. Tes larmes sont abondamment tombées quand ton attente a été enfin récompensée. L'impression de renaître quand tu apprends que les allocs allaient être versés. Tu vas pouvoir acheter des vêtements pour tes chiards. Mettre des fleurs sur la table pour égayer la vie dans ton mitard. Car là, s'il y a, tes enfants ne mangent pas à leur faim. Tu te couches chaque soir, rempli d'angoisse en pensant au lendemain. Les regards de ceux qui te jugent sans savoir à quel point tu te bats, que tu as petit feu. Comment conserver un minimum de dignité quand l'existence est si misérable, si au moins vous étiez deux. Et tu te mets à penser à lui, lui qui remue sur les terres pour te retrouver. Président de tous les Français, torturé par le remords, il est effondré. Il peine à dissimuler sa détresse dans le petit écran. Il clame que ce terroriste mérite de faire un exemple en matière de châtiment. Mais sa fermeté apparente n'est pas du tout crédible. Le téléspectateur lit la panique et le désespoir au fond de ses pupilles. Car là, s'il y a, toi aussi tu t'effondres. Voir Nicolas si faible dans le poste finit de t'achever. Ta geôle de béton bascule de plus belle dans la pénombre. Si tu n'avais pas ces 3 enfants en ta compagnie, tu te serais supprimé. Alors des ravisseurs t'emmènent voir un psy dans un centre social. C'est loin d'être Neuilly, mais l'accueil est plutôt chaleureux et amical. Tu te sens mieux par l'état partiellement libéré. Les antidépresseurs prescrivent pouvoir calmement travailler. Et l'alcool fait son entrée remarquée. Le mélange des substances est en train de finir de te métamorphoser. Carla Cilia, tu n'étais pas très jolie, mais là tu es vilaine. Tes yeux sont vides et ton corps raconte sa peine. Tu pries pour que ton homme vienne à ton secours. Mais le 9-3 regorge de coins sombres, planque des scélérats et des fourbes. Les années passent, bientôt 5 ans que tu as disparu. Les enfants grandissent et toi chaque jour tu es de plus en plus perdu. La première dame de France est devenue madame tout le monde. De plus en plus de médocs pour éviter que le chagrin ne l'inonde. Car la Cilia, ton cœur en mille s'est brisé. Quand tu as vu ton mari en visite électorale dans le quartier. Chérie, tu m'as retrouvé. Que tu lui as dit en criant. Le président de tous les Français t'a honoré d'un regard le plus méprisant. La foule massée nombreuse pour le conspuer. Comme un seul homme s'est esclaffé. Cilia, tu as tellement changé, comment aurait-il pu te reconnaître? Une femme amère et avinée qui se fait passer pour la maîtresse de maison de l'Élysée. C'est plutôt vachement drôle, il faut le reconnaître. Car là, Cilia, ta déchéance est un exemple. Demain, on l'enseignera dans tous les lycées de France. Tu as succombé à la misère et au mépris. Tu fais maintenant partie de la souffrance. Carla Cilia, ex-première dame de France. J'ai rêvé de toi, un rêve à la fois doux et rance. Doux et rance. Doux et rance. Doux et rance. Doux et rance. C'est la vôtre. Doux et rance. Notre culture. C'est la vôtre. C'est la vôtre. Voilà, donc retour dans les studios de Radio Campus en 6.6 FM. Notre culture, c'est la vôtre. Donc on va parler d'Adopi. Ouais, vite fait, on va parler d'Adopi, ouais. Vas-y, donc on va donc parler d'Adopi. Il y a eu des nouvelles news sur Adopi, machin. Bon, il y a Dominique de Villepin. Parce qu'on est déjà en pré-campagne électorale, attention. Et comme on se rend compte que les débats sur l'islamisation de la France et tous ces trucs de merde ne sont bons qu'à faire monter Marine Le Pen, dans les sondages et à faire peur à la France et tout ça, on se rend compte que peut-être que il y a quelque chose à faire au niveau internet machin, puisque c'est une question à laquelle pas grand monde s'est réellement intéressé au niveau politique, en tout cas en France. Et que, par contre, le peuple, lui, il suit un petit peu ce qui se passe et il comprend. Donc, là, on a Dominique de Villepin qui parle de mixer un petit peu la logique Adopi avec une licence globale, machin, d'essayer de faire un truc un peu plus soft et un peu plus convenable. De toute façon, on se laissera pas avoir, hein, Dominique de Villepin, on sait très bien où il vote et où il veut aller, donc voilà. Faut juste rappeler qu'il faut pas, il faut pas fonctionner dans ces trucs-là. La Adopi, c'est inacceptable et c'est inadmissible, c'est intolérable. Parce que tout bêtement, ce n'est pas tolérable, ce n'est pas admissible. Faut juste le comprendre comme ça, et que la seule et unique chose qu'il y a à dire à propos de l'Adopi, c'est qu'il faut l'abroger, c'est qu'il faut la virer, et qu'il faut virer tous les gens qui réfléchissent et qui ont pondu ces lois-là, comme la loi Lopsy, comme la loi de l'Abdizi avant, comme la loi sur l'économie, la loi de confiance en l'économie numérique de 2004. C'est des lois qui sont néfastes et qu'il faudrait tout bêtement virer, et qu'il n'y a aucun intérêt à les conserver, et qu'il n'y a aucun intérêt à conserver les gens qui ont fait ces lois-là. Autre chose aussi sur la Adopi, et là c'est vrai que ça en a un peu plus parlé, c'est que la Adopi vient de relancer le débat sur la sécurisation en lançant une nouvelle consultation publique sur les moyens de sécurisation. Alors on rappelle la Adopi. La Adopi, c'est des polices privées mandatées par les majors, notamment Tridion MediaGuard, qui espionne les réseaux de partage d'informations, Tipeee, Mule, BitTorrent et autres, mais notamment ces deux-là, en fait. Ouais. Globalement, c'est ces deux-là qui sont vraiment mis sous surveillance. Donc il y a une liste de 10 000 fichiers, enfin une liste de 10 000 titres de chansons, de films et d'œuvres de manière générale qui sont protégés par du droit d'auteur et ou du copyright. Et donc ils surveillent pour trouver ces fichiers-là. Une fois qu'ils les ont trouvés, ils regardent qui les partage. Ils envoient l'adresse IP sans aucune... ils envoient juste l'adresse réseau à l'Adopi. L'Adopi reçoit donc un dossier clé en main, et paf, l'Adopi est une machine à spammer et à condamner, sans moyen de se défendre, puisque en fait on avait bien expliqué auparavant que le parquet, la chancellerie a envoyé des directives pour que les procureurs classent sans suite toutes les velléités de contestation des dossiers Adopi. Donc pour se dédouaner en fait de ça, les citoyens et citoyennes ont une nouvelle obligation. On rappelle que dans le principe de démocratie, une obligation, c'est le pendant d'une liberté. Là, un devoir quel qu'il soit, c'est le pendant d'une liberté qui est laissée. Là, c'est une obligation qui est là et qui a pas de liberté, puisque en fait, c'est pas parce que c'est une interdiction franche. Pas le droit de télécharger, machin, qui correspond pas du tout aux usages. Donc, le seul moyen de se dédouaner de ces accusations-là, parce qu'en gros, globalement, c'est la police privée qui dit il a téléchargé, faut le condamner. La Adopi condamne, point barre. Et elle a pas de. Enfin, la Adopi fait condamner par la justice. Et il n'y a pas de moyen de se dédouaner ou de clamer son innocence. Si il y en a un, il y a une obligation de sécurisation de la ligne. C'est-à-dire que vous êtes que le désormais en France, la sécurité de la ligne, pour éviter de vous faire pirater, etc., c'est de votre ressort. C'est vous et moi qui sommes responsables de nos lignes respectives. Ce qui est n'importe quoi, quand on sait qu'on vend des box ADSL avec des réseaux Wi-Fi qui sont complètement troués, quand on sait que l'immense majorité des gens et ont des Windows complètement troués, complètement blindés de failles de sécurité, blindés de virus, etc. Qu'est-ce que vous voulez sécuriser des lignes dans un environnement comme ça? C'est juste impossible. Et en plus, donc, on avait vu que les premières spécifications, donc le cahier des charges de ces logiciels de sécurisation, qui sont censés dire non, Madame Michu ou Monsieur Michu, tel jour à telle heure, bah, ils téléchargeaient pas parce que le seul ordinateur de la famille, il y a le logiciel de sécurisation qui est installé dessus, et ce logiciel, tel jour à telle heure, n'a pas détecté d'activité illicite type téléchargement. Ben, ces logiciels, ils vont pas faire que ça. Dans les spécifications techniques, donc dans le cahier des charges public qui est publié pour appel d'offres, ben, on avait des choses comme gestion d'une liste noire de sites internet, c'est-à-dire l'ALOPSI, mais côté abonné, côté citoyen. Donc on censure à la source, on censure grâce à un logiciel qui est pas du tout fait pour ça, mais en cachette, on rajoute des outils de censure, de flicage dans ces logiciels-là. Il y avait un grand fan de cette politique-là, de sécurisation, de machin, d'armageddon numérique, tout ça. C'était Michel Riguidel, donc un soi-disant chercheur dans un soi-disant centre de recherche français, qui est payé plusieurs dizaines de milliers d'euros par an pour pondre des conneries. Et là, il a publié une tribune dans Le Monde qui a se tordre de rire. C'était assez hallucinant, où le mec parle réellement d'armageddon numérique, de ça va être la merde si on sécurise pas Internet, les hôpitaux, les gens vont tous mourir d'Ebola et du sida et du choléra si on sécurise pas Internet, voilà. Et ce gars-là, il avait été chargé, c'est lui qui avait été chargé de rédiger les premières spécifications d'Adopi. Donc, c'est rigolo, ça avance, donc il y a une nouvelle consultation qui est lancée. La Adopi n'arrive toujours pas à convaincre. Elle arrive toujours pas à. Enfin, elle envoie déjà des mails et des avertissements et tout ça. Alors que les moyens de sécurisation sont pas opérationnels et sont loin de l'être, parce qu'elle lance une deuxième consultation sur les moyens de sécurisation. Donc il y a rien de prêt, il y a rien de fait. On en est à quasiment 2 ans après le vote de la loi. Et on parle déjà, côté Élysée, on parle déjà d'une probable Adopi 3 pour essayer de gérer un petit peu le bordel des Adopi 1 et Adopi 2. C'est dire si c'est n'importe quoi. Et c'est toujours rigolo un petit peu de suivre 2 ans après le feuilleton Adopi qui n'en finit pas de nous faire rigoler. Jaune. Ouais, ou même pas, parce que franchement, voilà. Bon, je vais changer de micro et je vais vous parler de Benoît XVI et de Muriel Marlan Militello. Vas-y. Donc vous êtes toujours sur Radio Campus, 106.6 FM, et DB change de micro. Ah, c'est cool. Hein. C'est bien la radio-réalité. Vous connaissez le concept un peu, radio-réalité, donc je vous explique que là je suis en train de changer de micro en meublant, c'est génial. Alors, il y avait un truc qui était rigolo, moi il y a des discours qui me font vraiment toujours marrer, c'est les discours anti-technologie. On les entend un peu partout, on les entend à gauche, on les entend à droite, on les entend chez les écolos, on les entend chez les fachos. C'est toujours très rigolo, moi ça me fait vraiment rire. Donc lors de la messe des Rameaux, donc encore un truc chrétien, catholique, machin, Benoît XVI a appelé ses fidèles à se méfier de la technologie. C'est un adepte un petit peu de ce genre de discours. Mais là quand même c'est génial, je vous lis une petite citation en fait, juste pour que vous puissiez bien comprendre la portée des propos. « Dans toutes les inventions de l'esprit humain, on cherche, en fin de compte, à obtenir des ailes pour pouvoir s'élever à la hauteur de l'être, pour devenir indépendant, totalement libre, comme Dieu l'est. » C'est-à-dire que l'homme cherche à devenir Dieu, et tout ça, le mythe de l'apprenti sorcier, machin. Toujours les mêmes conneries que nous sortent les catholiques pour nous dire que, il faut rester à sa place, et tout ça. Il nous a parlé également de la catastrophe nucléaire japonaise pour dire que les possibilités du mal ont aussi augmenté et se présentent comme des tempêtes menaçantes au-dessus de l'histoire. Nos limites aussi sont restées, il suffit de penser aux catastrophes qui ces derniers mois ont affligé et continuent d'affliger l'humanité. En essayant de dire que c'est la faute à la technologie et c'est la faute aux gens qui aiment la technologie, si on fait n'importe quoi, en négligeant par exemple les entreprises qui agissent dans la plus totale opacité, sans aucune transparence et sans aucun contrôle citoyen. Est-ce que l'ennemi c'est la technologie et la science, ou est-ce que l'ennemi c'est le capital et l'État qui en profitent bien de tout ça? Et Bon, et puis il avait également déclaré que, sans aucun doute, les médias électroniques contribuent grandement à l'amélioration de la civilisation. Toutefois, une bonne partie de l'information qui est transmise à des millions de familles est souvent destructrice et néfaste. Voilà, je répète, une bonne partie de l'information qui est transmise à des millions de familles est souvent destructrice et néfaste. Comme s'il pouvait y avoir de l'information qui soit pas utile au peuple. Comme s'il pouvait y avoir de l'information qui soit pas utile à la démocratie. C'est génial, comme si le fait de s'informer pouvait être quelque chose de mal et de mauvais pour nous. C'est tout bonnement revenir à l'ancien régime et à l'époque où il y avait qu'une seule vérité, c'était celle de l'Église. Dans le même genre, il n'y a qu'une seule vérité, celle de l'État. On a Muriel Marlan-Militello qui nous refait une sortie sur la neutralité du net, ou qui nous dit comme ça son avis sur la question de la neutralité du net, qu'elle considère comme une utopie séduisante. Voilà, pour elle, c'est une utopie. Bon, c'est séduisant, mais c'est pas non plus un truc pour lequel il faut se battre. Mon avis sur cette question, je cite Muriel Marlan-Militello, « Mon avis sur cette question, il faut viser l'optimalité du net plutôt que la neutralité du net. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un net qui se vend, un internet qui se vend et qui est optimal, c'est mieux qu'un net neutre et citoyen. Voilà un petit peu le ce qui se dit dans la majorité gouvernementale. Elle dit ça en rapport en fait pour s'opposer au rapport de Laure de la Raudière et Corinne Erhel, dont on a parlé tout à l'heure, le rapport qui préconise 9 mesures dont le recours obligatoire au juge pour tout blocage de contenu. Muriel Marlan-Militello, elle dit, elle, que s'agissant du blocage, je la cite encore, dans un monde numérique, non monde de l'immédiateté, et afin de protéger les droits les plus essentiels, il ne paraît ni adapté au regard de l'efficacité, ni nécessaire au regard des principes constitutionnels. Elle rappelle que la décision du Conseil constitutionnel sur l'article 4 de la LOPCI n'a pas censuré ces dispositions-là. Donc, de recourir systématiquement à un juge. Ainsi, il n'est pas choquant de recourir au blocage à l'encontre de sites pédopornographiques. Écoutez, voilà, Madame Militello, qu'est-ce qui nous prouve que les gens de l'Office central de lutte contre la cybercriminalité, qui vont pouvoir agir comme ça, sans aucun contrôle démocratique, ni même judiciaire, ne vont bloquer que des sites pédopornographiques, dans un contexte où un ministre, en exercice de ses fonctions, a déclaré qu'il voulait bloquer l'hébergement de Wikileaks en France, et dans un contexte où un ministre de l'Intérieur a déclaré qu'il voulait interdire Indie Media pour avoir diffusé des contenus sur les policiers, notamment lors d'actes racistes ou violents lors de manifestations. Bon, moi, je suis plutôt de cet avis-là. Hein, voilà, c'était la petite séquence, les propos du passé et les propos un peu... mais qu'on trouve, hein, c'est vraiment des propos qui passent dans la presse, des choses qui se disent actuellement en France. Voilà. Je pense que c'est important de le signaler. On va enchaîner sur l'agenda. Donc, l'agenda, mercredi 13 avril, enfin du mercredi 13 avril au lundi 15 août 2011, il y aura l'exposition Paranoïa à la gare Saint-Sauveur à Lille. Boulevard Jean-Baptiste Lebas. Mardi 26 avril, rencontre hebdomadaire du Localost au Monde Moderne, 12 rue des Trois Couronnes, près de la Grand Place. Viendez, il y a de la triple carmélite en plus au Monde Moderne. Ah la vache, et je t'ai remis le micro juste au... Comment ça va être bon. Donc le 29 avril, nuit cyber, à la nuit cyber. Ouais, il y a une nuit cyber, un truc organisé, donc toujours dans le cadre de l'expo Paranoïa. Il y aura notamment Yann Min, un artiste cyberpunk que je vous recommande et... Je pense qu'on en reparlera parce que, à mon avis, ça va être bien. Ok. Samedi 30 avril 2011, Open Barbecue, donc pour commémorer l'anniversaire de l'ouverture des hauts lieux. Ce sera à la Coroutine, 4 rue Lamartine, à Lille. Voilà. Et viendez nombreux avec à boire et à manger. Et puis on parlera du Localhost et on parlera un petit peu de tout ça. Voilà. Dimanche, ça je l'ai dit. Dimanche 1er mai, l'écho des Gnous 15. Sur Radio Campus, ici même, 106.6 FM. Vendredi 6 mai 2011, meeting 2600 Lille. Rendez-vous comme chaque mois à 19h sur la Grand Place. Ouh là là. C'est 19h30. 19h30, pardon. Ah, c'est marqué 10h. C'est pas grave, 19h30. Dimanche 8 mai, Random 38, ici même, Radio Campus 106.6 FM. Du mardi 10 au jeudi 12 mai, les solutions Linux. À Paris, La Défense. Et on aura un stand là-bas, et je pense qu'on aura plus le temps. Donc on va se quitter. Voilà, c'est l'heure de Chupa Pimiento. Vous êtes sur Radio Campus 106.6 FM. La plus libre des radios. À dans 15 jours. Salut. Ciao, ciao.